l'espèce est en voie d'extinction, réservant des tensions. Je préfère ma vie sans prétention, cette fièvre de leur insensé. Mes mecs gardent tes lingots, tant que je gratte des impôts avec ma face de déglingo. Mes textes volent des quintos, mes impros des quinstones, et ça va pas se décanter. Pendant que tu te questionnes, tu ferais mieux décamper. Car je vais décaper, décalquer, scalper les cowboys qui veulent nous chasser de nos terres escarpées. Ceux qui se prennent pour des indiens, avec une plume dans le cul, cherche pas à désinguer, t'es même plus dans le coup. Mec, tu plies dans le coin, alors tu vas plaider quoi? La folie ou le complot? Mais t'es qu'une plaie d'étoile, laisse place à la frappe du tomahawk. Je viens là pour tout claquer jusqu'à ton alloc. Je suis sans voix ni loin, sale minable, sans capital, un animal infatigable. J'ai la nature pour habitat et l'attirail contre cet empire machinal inqualifiable qui fait des termes aux patriarches, un quadrillage, je panique pas. Non, je reste ici dans mon tipi, on multiplie les rituels incantatoires pour les expéditions punitives. Tout sans peinture de guerre, on a déterré la hache. Notre fumée s'élève dans un ciel écarlate afin de rallier les troupes pour la dernière attaque. Écoute le son des tambours qui vient donner la charge. Impunément mettre fin à notre civilisation, démembrée par pure barbarie. Ma tribu, ma famille, ils l'ont fait tuer, voler, piller pour faire briller leur civile nation. Il me reste tellement peu de frères et sœurs, c'est si dramatique. Leur culture pue la bulle, leur musique résonne comme des insultes. Ils voient un culte malsain, la divinité la plus impure. Mais on ne va pas en rester là, j'arrive. Les canines arides, les narines avides d'odeur de sang et la mine acide en moi. J'ai la miracide, ma voix élimine acide où qu'elle soit. Sans pitié, appelez-moi, regard de lynx, l'œil froid, insensible, je guette mes proies. Ma main glisse dans mon carquois, pioche une flèche à la pointe en poids. Donner des coches, range la trachée de ces lâches qui ne l'ont pas volé. Je savoure à distance leur ultime danse. Les secousses intenses s'emparent de leur corps agonisant. J'approche calme et serein, sachant qu'ils seront encore vivants quand j'extirperai leur cœur de leurs entrailles au tomahawk, pour les sentir palpiter avant de les broyer dans ma paume. Sous leurs yeux larmoyants, simulation, c'est pas ma faute. Et je lancerai un cri de victoire pour mon clan de ma voix rauque. Les nerfs reconnaîtront le signal, sauront que le combat continue. Les leurs se sentiront minables face à ce son qui tue. Tous comprendront que rien n'est mousse. Nos armes en métal, je prône à retour vers les sources, aux valeurs ancestrales.